Les personnalités étrangères condamnent les États-Unis et les autorités sud-coréennes qui se démènent à provoquer une seconde guerre de Corée contre notre République. Le président d'honneur de l'Union des communistes bulgares, le président du comité exécutif national ougandais du mouvement pan-africain, le président de l'association d'amitié Nigeria-Corée et la chef de la bibliothèque Kim Il-sung à Sofia, Bulgarie, ont affirmé que les manœuvres conjointes en cours en Corée du Sud sous la baguette des États-Unis montrent nettement qui est l'auteur de la destruction de la paix et de la stabilité de la péninsule coréenne et le provocateur de guerre. Les États-Unis doivent s'abstenir de la politique d'hostilité contre la Corée, cesser immédiatement les manœuvres conjointes avec la Corée du Sud et accepter le projet de conclusion d'un accord de paix de la République populaire démocratique de Corée, ont-ils déclaré.